Allez, Sarek Boudali, t'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Oh là là, mais oui, mais j'espère quoi, que tu vas garder tout ce qu'on a dit avant. Tout, la blague sur The Weeknd. Oui, tu sais quoi, je vais pas la garder, comme ça les gens ils vont se dire mais c'était quoi cette blague sur The Weeknd, elle devait être folle. Et en fait ils ne le sauront jamais. À 50 subs je dévoile la blague sur The Weeknd. Suivez-moi sur Twitch. Oui bien sûr, ouais. Le lien peut-être twitch.tv/AndréMéniel. Évidemment. Oui, donc bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Ça fait longtemps oui, qu'on en a pas fait. Mais alors, il s'est passé un milliard de choses. Entre autres, un couvre-feu qui est devenu un reconfinement. Oui, alors avant ça, il y a eu autre chose quand même pour toi. J'ai été animateur sur Énergie. J'ai eu le Covid. C'est ça. Dans le désordre. Oui. C'est marrant. Hey, le premier Floodcast qu'on a fait. Dans cette configuration-là, chacun chez soi, c'est moi qui venais d'avoir le Covid. C'est vrai. Et moi, c'est... Alors, moi, je l'ai plus. Donc, arrête de me copier déjà, premièrement. C'est vrai. Genre, d'où tu chopes les mêmes. En plus, c'est une maladie assez rare. Oui, en fait, ce que j'allais dire, c'est que t'as vu qu'en plus, là, en ce moment, tout le monde te copie. C'est-à-dire que. Oui, vraiment, là, il y a beaucoup de. Je suis désolé d'être autant un influenceur, car ça on est confiné à cause de moi, du coup. Bah oui, voilà, c'est ça. Ah mais voilà, j'ai enchaîné, c'est-à-dire que j'ai fait 2 semaines de Squeezie, donc le soir j'avais l'émission, je rentrais, j'étais mort de fatigue. Bah sur ensuite, les rotules, on peut dire. Sur les rotules, directement. Ensuite j'ai eu le Covid, donc après il y a eu. J'ai été d'abord cas contact, donc confiné, puis ouais. Covid, donc reconfiné encore 2 semaines, donc peu de soirées et après couvre-feu et après confinement. Donc là, voilà. Ça fait longtemps que je toi, me le, suis le pas Covid, sorti toi, le soir. Toi, c'était genre hardcore ou c'était tranquille? Franchement, en vrai de vrai, et vous l'entendrez que dans ce podcast, mais Donald Trump a carrément raison. C'est rien du tout. Non. En vrai, j'ai eu une nuit horrible. Et alors ouais. pour la petite histoire, t'as chié dans ton bed, t'as chié dans les draps, c'est pas ça du tout, j'ai pas chié dans les t'as draps. T'as pissé sur ta meuf, c'est cette nuit-là. J'étais pas malade du tout à ce moment-là. Ok, c'est d'accord. Un petit j'étais délire. Conscient. Bon, ça fait 5 ans, tu sais, on trouve des petites. Oui, il faut pimenter. Hein. Non, j'ai eu ma nuit vénère. En fait, j'ai eu une nuit de fièvre. Ma nuit, mais pas trop. Ma nuit dans le 6-9 sur Énergie, parce qu'en fait, maintenant, c'est Énergie tout le temps. Je suis obligé de faire énormément de blagues qui concernent Énergie. Rapport au fait que je suis animateur Énergie. Donc ouais non, j'ai eu le Covid et en fait la nuit, j'ai eu une nuit vraiment vénère de fièvre et de sueur froide et compagnie. Et c'était quand j'étais à Cannes-Série. Je suis allé à Cannes-Série pour présenter La Flamme. Donc j'ai eu une nuit horrible dans un hôtel de luxe. Donc chambé et en même temps infect. Oui, un peu en même temps. Une bonne chiasse, mais dans des chiottes avec du PQ plié en flamant rose. Mais donc. Le Covid ne donne pas la chiasse. Si, justement, figure-toi. Ah ouais? Ça fait partie des... Oui. Oh ouais, c'est dégueulasse. Bah toi, là, ça j'ai va. Juste avalé de travers. Je n'ai pas le Covid, je précise. J'ai vraiment juste de l'Oreo dans le... Totalement directement dans la trachée artère. De l'Oreo dans la trachée, qui est un poème d'Amélie Nothomb, d'ailleurs. Absolument. Ouais, je le dis. Non, d'accord, je savais pas qu'il y avait la chiasse. Mais moi, j'ai découvert un peu les symptômes, hein, pour être honnête. Genre, ouais. Je ne savais pas du tout que ça faisait aussi mal au dos, par exemple. J'ai eu... Non, ça t'invente, par contre. Ça, non, en fait... Apparemment, ça te flingue les articulations. Enfin, ça peut, parce que comme d'habitude, ça, c'est pas chez tout le monde pareil. Et bah, moi, j'ai sûr. Eu un mal de dos, mais genre vraiment hardcore, quoi. Genre, je pouvais pas rester assis, j'étais obligé de m'allonger, quoi. Ah ouais. Donc, putain, ça, c'était ouf. Très chiant. Ouais, ça, c'était très chiant. Et après, j'ai eu une complication à la gorge. Mais moi, ma gorge, j'ai toujours des emmerdes, des angines toutes les deux minutes. Et ouais, j'ai eu. Alors, je pensais que c'était une angine ou un truc comme ça. Toutes les deux minutes. Ouais, j'ai 30 jours max. Je pense pas. Genre là, t'en as ouais. pas eu et ça fait combien de temps qu'on enregistre 5 ouais, minutes. Donc t'aurais dû en avoir 2 déjà. Donc. C'est vrai, excuse-moi, pardon. Mais tu sais, moi non, j'ai Non, mais j'aime bien que ça soit précis parce que c'est quand même un truc de santé publique et là tu racontes n'importe quoi. Donc, non, en fait, c'était un aft dans la gorge. Je savais pas que c'était possible. Oh, et en mais fait, il paraît c'est que les aft, ça peut être n'importe où. Et bah écoute, là, genre, il m'a dit bah c'est un énorme aft parce qu'en gros, ça me prenait toutes les amygdales. Et du coup, j'ai dû boire une espèce de crème infecte. Princesse amygdale aft. Alors pour le coup c'est la reine amygdale. Reine, je vais refaire. Et vas-y, évidemment on ne montrera rien du tout. Je t'écoute. La reine amygdale aft. Exactement. De princesse Star Wars. Leia, c'est princesse Leia, reine amygdale aft, bien sûr. Bien sûr. De toute façon toi Star Wars, t'adores ça. Bah, tu peux me faire un quiz quand tu veux. Là. Si jamais on a un petit coup de mou dans cet épisode, un quiz Star Wars, je peux vraiment être bon. Yoda, c'est un bébé, mais il est vieux aussi. C'est il parle vrai. À l'endroit, oui ou non? Non, je coche non. Il parle à l'envers. Les Jedi ont un sabre en métal, en bois, non, en laser. Ou laser. En laser. Ah ouais, t'as quand même pas besoin que je te dise. Même le... ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Le film s'appelle Star Wars ou La La La. Non, La La La, c'est le cri des Jawa, par contre. Mais c'est Star Wars. Oh, pas mal. Ouais. Il connaît le terme Jawa. Bah oui. Bon, alors, tout, donc voilà, c'était ce qui nous. Alors toi, qu'est-ce que t'as? Toi, t'as eu du Twitch beaucoup là. J'ai vu que t'avais repris comme un dingue. Et il y a eu Derby Girl aussi. Alors on en parlera peut-être à la fin. Il y a eu Derby. Mais putain, enfin. Comme le running gag du podcast. C'est vrai. C'est Derby Girl et enfin Derby Girl. Parce que j'ai dit Derby Girl, qui est un Pokémon nul. Derby Girl, qui est sorti sur France TV Slash. Voilà, mais pour te dire à quel point c'est un, comment dire, un running gag et à quel point les gens se foutent de ma gueule. Parce que bon, la communauté toxique du Floodcast se foutait de ma gueule, évidemment. On la connaît, ce Nurshi Infect qui nous chie dessus. Le Discord, voilà. Twitter et compagnie, tout le monde se foutait de ma gueule. Oui, sortira jamais, t'as serré et tout. Soit. Je veux bien être votre paillasson, on traverse un temps difficile. Si ça vous fait sentir mieux dans vos baskets de les essuyer sur mon dos, joli. T'as vu comme je suis retombé sur mes pieds? Je me suis impressionné moi-même. Peut-être que je suis impressionné pour des trucs pas ouf, mais je suis en déliquescence mentale, je suis vieux. Pour moi, c'est une perf. Bon. Hey, tu as qu'à te tatouer bienvenue sur le dos, vu quel point t'es un paillasson. Voilà, exactement. Bah, ouais. Et donc... Je disais, ils se foutent de ma gueule, soit. Mais là où on voit que vraiment, je suis une victime, France TV Slash s'est foutu de ma gueule sur Twitter, a fait un tweet pour se foutre de ma gueule. C'est-à-dire ben, moi, j'ai plus Twitter, j'ai supprimé mon compte Twitter, donc j'ai plus accès. Ah, mais oui, donc tu n'as pas, t'as pas forcément pas vu. Non, j'ai pas vu. Je pense qu'il se disait, oh, il va retweeter, on a fait un mème. Faites l'inverse. Enfin, vraiment, bon, bref. Et donc, ils ont fait un tweet où, avec le mème Patrick Bruel, là. Oui, bien est, sûr, voilà. Bah, il joue au poker le mec. Il joue au poker et donc t'es censé tu vois, dire une stratégie, machin, etc. Et donc bien ils ont sûr. Dit C'est tellement badant d'expliquer un mème. Oui, bah en fait je l'explique parce que moi j'avais jamais compris jusqu'à présent. Et donc du coup j'ai cherché, comme un vieux, hein, comme je suis. T'as googlisé, même pas tout. Non mais bon, je vais pas sur Twitter, donc je vois une photo de Patrick Boyle, je comprends rien à ce que le texte en dessous. Bref, et donc ils écrivent teaser, enfin en gros teaser des années à l'avance, non teaser un an à l'avance la sortie de la série parce que du coup quand ça sort les gens s'attendent à un truc de ouf ou je sais pas quoi, et il me cite, il me mentionne dans le tweet pour dire c'est toi qu'on parle connard. La merde qui a fait ça, c'est toi. La merde qui a essayé de faire de la promo autour de cette putain de série, la c'est merde toi Adrien. La merde qui a fait notre taf là. Oui, parce qu'ils ont fait la stratégie genre non, on va en parler juste au dernier moment. C'est ce que nous, le coup qu'a fait Google, YouTube, parce qu'ils n'avaient pas de promo pour Groom. Ils ont dit non, mais nous on va dire ça va tout sortir d'un coup. Vous n'avez rien prévu. Arrêtez. C'est de nous faire qui avons fait la stratégie. Promo de Groom en l'occurrence, pareil. Comment hein, en fait, c'est notre technique qu'on fait un peu à chaque truc qu'on sort, c'est-à-dire qu'on en parle 2 ans et demi avant. Dès que c'est à peine la première ligne décrite, on en parle. Mais comme c'est ça, on entretient une petite flamme quelque part. Mais... Et non pas la flamme, oh, Canal+. La transition, putain. Non, je voulais pas faire une transition. C'était juste non, une... mais incroyable. Bah, moi, donc, c'est... Oui. Moi, perso, c'est ma stratégie. C'est la stratégie que j'appelle de la personne qui n'a pas d'actu. Donc, quand t'as une actu, tu l'étires sur un an. Tu dis, bah, c'est mon actu. Mais c'était déjà ça il y a 6 mois. C'est toujours ça. Mais c'est un truc qui n'est pas sorti. C'est ça. C'est ça, mon actu. Un truc qui n'est pas sorti. Et ben. Crève. Non, bon. Alors non, mais j'ai fait. Là, je viens de faire des recherches et par exemple, le premier tweet qui répond à ce fameux tweet de France TV Slash dit il oui. a fait un très bon travail de com. Sans le Floodcast, jamais entendu parler de cette série et maintenant j'ai hâte de la voir. Bon, malheureusement, c'est écrit Adrien Méniel. C'est toi qui as partagé ce tweet, malheureusement. Adrien Méniel. Aucune. Voilà, je crois que j'ai liké d'ailleurs ce tweet parce que je me suis dit dans votre gueule. Tu vois. Ouais, bah en attendant, sans lui, j'en aurais jamais entendu parler. Non, mais j'ai des bons retours, voilà, je suis content. Et c'est sur YouTube ou sur France TV Slash, un site internet? Alors, ça n'est pas... Alors, attends, j'y connais... Non, c'est sur le site France TV Slash, c'est ça, c'est France.tv. D'accord. Slash. D'accord. Un peu nul à dicter leur truc, ils ont un peu merdé là. Parce que c'est slash, et après slash en toutes lettres, slash ouais. derby-girl. Bon bah parfait. En vrai. Ou alors chercher derby girl sur. Sur Google, ça va aller très vite. C'est vraiment Google's. Très rapide. Google le site. Voilà. Oui, et puis moi en parallèle, alors c'est marrant parce qu'on avait tous les deux de l'actu, puisque moi il y a La Flamme qui est sortie sur la mais chaîne voilà. Canal Plus. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas refait. Mais on n'a pas fait de Floodcast depuis la sortie. Bah non, non, non. Mais non, c'est non. La Saint-Guille ou quoi? La Jean-Guille. Merde, ah oui. Ah le nul. J'ai tout raté. Princesse Amidala, Amidala. Et la Saint-Guille. Allez. Change, hein. Tu peux encore changer de. Pour la Saint-Guille, je peux appeler ça non, la Saint-Guille. Non, mais changer de co-host, hein. Tu peux prendre oh, un mec plus jeune, tu peux prendre Michou. D'ailleurs, ça aussi, c'est oh, notre alors... actu. On en parlera après. Parle voilà, de la, parce la flamme, après on parlera de notre actu avec Michou. Je pense que c'est le début de podcast où on a le plus 85 ans, de toute façon, depuis, oui, oui. Ah bah là, depuis mais... le début. C'est une catastrophe. Moi, je vieillis à vue d'œil, hein. Le confinement. Tu sais, c'est vraiment. Il y a vraiment ce truc de. Un légume qui est genre. Qui est dans le bac à légumes et qui pourrit, tu vois, à l'abri du regard de tous, quoi. C'est moi. Je suis vraiment une vieille banane, tu sais, tu la mets, elle est nickel. Et après, tu t'enlèves un brocoli et il y a un truc noir en dessous. Tu fais, bah, c'est quoi ce bordel? C'est la banane qui était vraiment bien à une époque et elle a vieilli en accéléré. C'est moi. Mais non, toi, tu es cette pomme de terre où il y a des choses qui sortent et qui grandissent. Ça me va. De partout. Voilà, bien sûr. Bien ouais, sûr. Oui. Sachant que quand elles sont comme ça, elles sont indigestes. Il ne faut surtout pas les manger, elles sont toxiques. Il faut les jeter. Voilà, il faut directement les mettre à la poubelle. Il faut absolument les jeter sous peine de crever. Voilà. Donc bien. C'est moi. Voilà, ça c'est moi. Non, mais donc oui, La Flamme. Alors, c'est sur Canal Plus et évidemment My Canal en replay. Bien sûr. C'est une série que j'ai coécrite, adaptée de Burning Love. Bon, après, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il y a une promo qui est indécente autour de cette série. Vu qu'il y en a partout, c'est-à-dire Canal a carrément fait un accéléré de l'autoroute pour dire regardez la taille de l'affiche qu'on a mis sur cette série. Donc, ah c'est ouais, vraiment. Il y a énormément de promos. Moi je suis que auteur dessus, mais je me suis bien amusé. Quoique non, je fais une petite apparition. Bah t'as aussi. Une apparition dedans. Bah au moment de la Saint-Guille, Adrien. La Jean-Guille. La Jean-Guille. S'il te plaît. Non mais donc voilà, il y a des retours très chouettes. Apparemment ça vous fait rigoler. En plus, c'est vrai que pour le coup, en termes de période, il y a pas beaucoup de grosses comédies qui veulent juste faire des grosses blagues. En ce moment, je parle sur Netflix ou autre, donc j'ai l'impression que les gens ça les fait kiffer. Donc c'est cool. Voilà, ah, ça fait moi, plaisir. Moi, je vois beaucoup de critiques vraiment élogieuses, mais vraiment du genre. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle qualité de comédie en France et tout quoi. Vraiment, les gens sont vraiment. Ouais, voilà quoi, ça fait ouais, plaisir. Ouais, non, mais ça fait super plaisir et c'est une série qui, voilà, qui se veut. C'est comme disait Pierre Desproges, Adrien. Ouais. Je vais citer Pierre Desproges. Est-ce qu'il se marre là-haut avec Coluche déjà? Bah, déjà, je peux te le dire, pas mal. Ils se oui, marrent j'imagine. Tous les deux en voyant notre pauvre gouvernement qui, je vous le rappelle, nous ment. Le gouvernement, hein. Oui, bien sûr. Le gouvernement. Ça n'a que l'ambition de faire rire, mais c'est déjà. Une grosse ambition. Bah voilà. Oui, il disait, c'est elle comme est immense. Ça... Ouais, bien oui. Sûr. Bah c'est voilà, c'est le but de cette série. Je pense même que ça ne se binge pas, parce que au bout d'un moment, tu te dis oui, bon bah c'est bon. Donc, oui. Je pense que c'est dense. C'est très dense. Et mais je pense que c'est rigolo. Et donc, en voilà. Plus, c'est vu le casting, c'est même dense avec les stars. Oh, oui. Oui ou ah, non? Oui. Ah bah oui. Oui. Bien sûr. Non mais il faut évidemment. Le dire. C'est vrai. Quand une blague est vraie, il faut le dire. Ah ouais, non mais là tout à fait là, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Sur les autres actus que je m'étais noté un petit peu, c'est vrai. Alors, que ça fait longtemps qu'on a. Si ouais. Y a notre actu, c'est qu'on a vu Michou à Citadium. C'est vrai. C'est notre juste actu avant, à tous les deux. Hey, juste avant de se faire reconfiner. La on veille a quand même... du reconfinement. On a quand même quoi. C'est tellement nul. Non c'est génial. Non attends, on était. Alors mettons que les gens aient toutes les informations. Nous étions avec Sophie Marie Laroui. Absolument. Nous sommes vus dans le cadre du travail pour un projet qui devrait arriver en décembre. Mais bon, on est reconfinés, donc nous verrons. Et on travaille ensemble. Mais après, moi, j'ai dit à Adrien et Sophie-Marie, j'ai besoin de m'acheter un sac. Nous sommes donc allés à Citadium et nous avons croisé Michou. Voilà. Et alors, Adrien, on peut le dire, énorme resta. Bah, il avait des gardes du corps, non? Il y avait trois gardes du corps. pendant qu'il faisait ses courses. Alors, il y avait vouloir, vraiment une nuée d'adolescents qui le suivaient, quoi. Incroyable, c'est qu'il y avait. Moi, franchement, c'est horrible. Je pourrais pas avoir cette vie-là, quoi. Mais d'autant que c'était fou parce que c'est 20, enfin, ils étaient peut-être 15-20. Franchement, ils étaient très nombreux et ils étaient pas dans le magasin. Ils sont vraiment arrivés avec lui, quoi. Enfin, genre, ils étaient derrière lui. Donc, je sais pas s'ils l'ont suivi de la rue. Ou alors, s'ils étaient dissimulés. On était vraiment au deuxième étage, Flaubert. Donc tu c'est non, tout non, est bien faux sûr, ce mais, que tu viens de dire. Non mais je veux dire, on n'a pas croisé des jeunes. Le magasin n'était pas si plein. C'est ça que je veux dire. Oui oui, ah non, il oui, est d'accord, vraiment oui, arrivé, oui. Il est arrivé au deuxième étage par les escalators, justement suivi par oui, une oui. nuée de gens. C'est ça que je oui, veux oui, dire. Oui oui, c'est ça. Oui, donc il y a des chances qu'il soit entré avec lui. Oui, effectivement. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et, oui, oui, et bien sûr. Je regrette. Il s'agit du Flowdcast. Adrien Méniel. Alors vu qu'on est, t'as dit non. Non, j'ai dit oh. Ah, j'ai entendu non. J'aimais que tu refuses que je t'appelle par ton nom et ton prénom. Oh, c'est pas vu que nous sommes confinés, nous sommes loin de l'un de l'autre. D'ailleurs, on l'a pas dit aux gens. Bon, je pense qu'ils s'en doutent. Mais voilà, on enregistre dans des conditions où nous ne sommes pas. Si on l'a face dit, on l'a dit. On l'a dit. On l'a dit quand j'ai dit le dernier Flowdcast qu'on a enregistré dans ces conditions, chacun chez soi. Ah, c'est oui, moi c'est qui vrai. Avais le Covid. Tu l'as sous-entendu, effectivement. Je l'ai dit. Ce que je te propose. Alors, c'est un truc que j'ai vu beaucoup sur YouTube qui se fait depuis 4 ans, mais vu qu'on est des purs ringards, je propose qu'on le fasse maintenant. On est des énormes ringards. Je voulais le souligner. Ouais. Juste. Voilà. On est les ringards peut-être les plus populaires, ça me fait plaisir. Oui, c'est vrai que ça, on en parle souvent avec Adrien. Moi, c'est surtout quand je vois des articles sur le monde du podcast. Cette nouvelle façon de s'exprimer, et que nous, c'est des imitations de Chirac et de Mitterrand. C'est vraiment. C'est une fierté étrange, qui est en fait une fierté de tonton un peu, hein, qui est de dire oh bah ouais, bah nous on rigole. Nous, ouais, bah, nous, y a du quoi, bah nous c'est pinard et saucisson, et puis ouais, on se marre. Et quoi, on pas besoin alors, d'aller en discothèque, tu vois. Ça sent peut-être un peu des couilles, mais au moins c'est sincère. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, bon, c'est on ça, est un peu ça. Mais on fera des merdes, hein. Enfin, moi, c'est dans 5 ans, mais. Techniquement, vous avez honte d'écouter ce podcast dans 2 ans. Techniquement, enfin, en termes de délai, on devrait être à peu près là-dedans. Et dans ce cadre d'énorme ringard, je t'ai proposé de passer ce qui s'appelle un test de pureté. Alors, j'en ai vu plein sur YouTube, j'en ai vu, voilà. Ce qui est sympa, c'est non pas le résultat, parce qu'on sait très bien que ça n'a aucun sens, mais ça permet potentiellement d'être un petit robinet à anecdotes potentiellement marrantes. Voilà, puisque toi et moi sommes peut-être les deux plus gros déglingos qui existent. Oui, en termes de délire et de teuf. Bah, en fait, nous, le terme qui nous définit bien, c'est teufeur. C'est la déglingue. Moi, je mets raveur parfois. Ah oui, mais toi, t'es. Parce qu'il y a la zik en plus, toi. Ouais, ouais. Ah bah, moi, c'est je danse, c'est les extas, c'est les trucs. Moi, c'est le la monde MD. De la nuit, mais le monde un peu hardcore, quoi. C'est Calvi on the Rock, c'est la MD. Bah, t'adores Calvi, ça, toi, de toute façon. Tu m'étonnes, attends. Toi. Avec là, les potes. Avec le confinement, t'as pas eu Calvi, il t'a manqué une petite barre d'oxygène, j'ai l'impression. Ouais, bah, j'espère que le plus rapidement possible, je pourrais faire le Burning Man, quoi. Donc. Le test de pureté, vous l'avez sûrement vu sur des vidéos YouTube, c'est plein de questions, on doit y répondre. Ça commence tout de suite. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un, Adrien ? Bien sûr que oui. Moi, oui. Et d'ailleurs, moi, c'est évident que oui. Le mien, d'ailleurs. Ah, ouais. Non, oh, mais en vrai, pas mal. En oui, vrai, oui. Ils disent pas de quelqu'un d'autre. Donc, mais j'ai bien, bien évidemment ri du malheur des autres aussi. Moi, je l'ai même espéré, il faut le dire. Donc, je pense voilà, même qu'on l'a fait dans le Flowdcast. On l'a peut-être reprises. Même fait. On l'a peut-être même fait dans ce Flowdcast. C'est possible. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non, mais là, on va se faire cancel immédiatement. Immédiatement. Non, mais sachant que ça peut être au moment de l'adolescence et regretter. Oui, évidemment, d'accord. Hein. Ok. Voilà. Donc moi, oui, malheureusement, quand j'étais plus jeune. Mais ça si c'était arriver. Hier, par exemple. Et si c'était hors antenne, juste avant qu'on enregistre. Non, je plaisante. Non, c'est le passé, Adrien, c'est le passé. Non, je plaisante. Bah oui, certainement. Moi, oui, malheureusement, certainement. Oui. Moi, malheureusement, oui. J'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Rassure-toi, je ne t'en demandais pas. Voilà. Mais certainement, oui, je vais pas mentir, oui. Quand t'es ado, alors, attends. Enfin, en tout cas, notre génération, je pense que peut-être celle d'après sera peut-être un peu plus woke sur ces questions-là. Mais c'est vrai que dans notre génération, c'était oui, ça se faisait assez rapidement. Mais ouais. C'est parce que ça fait, c'est peut-être aussi parce que ça effraie quand t'es jeune, tu vois. Je sais pas. Je pense que c'est l'excuse qu'on se donne pour être des ordures aussi. Mais oui, c'est très possible. Je pense, hein, vraiment. C'est ce que disent. C'est très possible. C'est très possible. Non, mais du coup, tu parlais de robinet à anecdote. Ça me rappelle une fois, j'étais avec mon frère. Alors, j'étais vraiment enfant. Hein. Et avec mon frère, on avait un délire sur les gens qui avaient une nuque longue. D'accord. Et on appelait ça une coupe de footballeur. Et une fois, donc j'étais avec mon frère, on était dans un centre commercial et on voit passer un mec qui s'avère être obèse, ça a une importance dans la suite de l'histoire, et qui avait une nuque longue. Et il était en train de marcher, il était avec une meuf, et du coup, moi, je monte discrètement à mon frère, je lui dis « Ah, regarde la coupe de footballeur !» Donc mon frère regarde, on pensait discrètement, il rigole un peu et tout, et donc là, la meuf nous voit regarder le mec, et elle dit, et elle gueule dans le centre commercial sur... Elle était loin, tu vois. Et elle fait « Ouais, vous vous moquez de lui parce qu'il est gros, c'est ça ?» Oh là là. Et on fait « Non, non, non !» Et elle dit ouais c'est ça et donc elle nous pourrit quoi alors que bon, tu sais on pouvait pas lui dire non c'est parce qu'il a une coupe de merde vraiment rien à voir avec avec ça quoi et donc c'était gênant parce que bon effectivement on était moqueur mais on se moquait pas sur ce point là quoi et donc voilà petite par association ça m'a fait penser à ça quoi moi c'est dans ma famille j'ai quelqu'un de trisomique et en fait le truc c'est que jamais ma famille elle m'a vraiment enfin jamais après plus vieux mais très jeune, quand t'as genre 5, 6, 7 ans, tu vois, moi ils m'ont pas expliqué, tu vois, donc en fait forcément à un moment il y a des trucs de. T'as pas le réflexe de l'enfant qui dit, pouvez me dire ce qui se passe ? Oui. Parce que je vois bien que c'est pas comme d'habitude, tu vois. et du coup, c'est pour ça que je te parlais d'un espèce de mécanisme de défense qui est effectivement aussi souvent une excuse quand t'es une ordure, mais c'était ce truc de, moi on ne m'a vraiment pas expliqué quoi, c'est qu'à un moment c'est genre, bah oui, elle est comme ça, voilà. Et tu dis, c'est pas grave d'expliquer à des enfants que c'est un problème, machin, le cerveau, machin et tout. Je pense qu'il y avait un truc dans ma famille de c'est gênant d'en parler. Genre, ça va être pire. Alors qu'en vrai de vrai, j'en sais rien, je me souviens pas exactement quel enfant j'étais. Mais j'ai l'impression que si tu m'expliquais, je savais que ce qui se disait pas, du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, puis en plus, tu peux pas enseigner la tolérance sans expliquer qu'il y a des différences, quoi. Tu exactement. Vois, enfin voilà quoi. C'est une super tolérance si tu n'expliques pas que tout le monde n'est pas pareil et que justement la tolérance c'est de dire les différences sont une richesse et pas des difficultés quoi. Celui d'après est assez gentil. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un ? Oui. Oui. Pas tant. Mais oui. Mais j'ai déjà fait. Ouais, vous êtes-vous déjà masturbé ? Bon, bah ça. Voilà. Aujourd'hui ou. non, dans la vie en général. Depuis le début du podcast ou. Non, oui. Alors la question d'après est surprenante. Jusqu'à l'orgasme ? Oui. Alors, moi j'aimerais évidemment. La question inverse par contre. J'aimerais parler aux gens qui ont dit non. Qui ont mais dit oui et non. Pour le coup, je sais pas s'ils en ont parlé dans leur vidéo, mais on en avait parlé dans un podcast avec McFly et Carlito justement. Que Carlito, des fois il se branlait. Non, c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui avais écrit. Il l'avait fait aussi en voiture. Je oui, me en mais voiture. Oui, toi aussi. Et moi, j'avais écrit deux épisodes de 8. De Groom. De non, quoi de Groom, non, ça fait long. Mais c'est des épisodes de 8. Mais, oui. Non, mais moi, j'aimerais bien savoir les gens qui disent oui, je me suis déjà masturbé jusqu'à l'orgasme. Non, jamais. Jamais. J'aimerais parler à ces gens. Après, non, c'est peut-être des gens très jeunes, je sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Oui, bon, je pense que c'est un truc d'ado quand même. Ouais. Mais même ado, justement, c'est peut-être le moment où, justement, enfin bon, bref. Tu te branles le plus. En tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent, sachez que si vous continuez à vous masturber quand ça commence à être bien, il y a un truc encore mieux après. Top, il y a un truc qui s'appelle l'orgasme. Moi, perso, ouais, l'orgasme, moi, c'est dans mon top 5 des trucs cool dans la vie. C'est vraiment, ouais. C'est pas mal. Enfin, après, en plus, c'est vraiment à portée de main, donc c'est vraiment top. La Switch et spermés, quoi. Vous est-il arrivé de ne pas vous laver 4 jours ou plus, 3 jours, 2 jours, plus de 24 heures, ou vous êtes lavé tous les jours depuis le début de votre vie ? Oh non, moi, ado, j'ai eu des vraies périodes d'hygiène compliquées, donc 4 jours ou plus, carrément. Moi, non, 4 jours ou plus, non, en vrai, j'en sais rien. Je pense que je pense pas que j'ai été gros crado, mais après, quand t'es enfant, ça remonte à tellement longtemps. Il y a un vrai truc avec l'hygiène. Moi, je sais que quand j'étais ado, j'avais un peu un truc de... Puis moi, en plus, il y avait un petit ballon d'eau chaude à la maison, on était une famille noire. Donc tu te sacrifiais, quoi. Tu disais, non, mais allez-y. Oh, j'irai demain, un kiff, après. Moi, je... Non, non, mais... Moi, je vais patauger dans une flaque d'eau dehors, vous emmerdez pas. Avec les Thénardier, vous emmerdez pas, il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais... J'espère que l'audio va être... J'ai l'impression que des fois, je suis un peu dans le rouge. T'inquiète, de faire des tests poussés. Pas de soucis. Non, mais... Donc toi, tu dirais plus de 24 heures, 2 jours, 3 jours ? Ouais, on va dire 2 jours, mais en vrai, j'en sais rien, quoi. C'est comme ce truc... Alors, je sais que c'est un peu une phase de stand-up connue, mais c'est les ménènes, enfin, les trucs de déodorant, plus de 72 heures. Oui, j'ai jamais vraiment compris ce que ça dit vraiment, un truc de soyez un immense porc et ne vous lavez pas pendant 3 jours. Mais je suis sûr qu'il y a une explication derrière de l'antisémitisme. Eh bien non, car en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne sais pas quoi. Peut-être. Donc, est-ce que je sais mais pas. Est-ce après, que ça reste, pense... ça résiste à l'eau et du coup tu sens bon dessous les bras, même ou si alors, tu prends juste une douche. Je pas. Pense qu'il y a aussi peut-être un truc de, tu sais, de le côté performance, genre j'ai des grosses couilles quoi. Tu vois le côté. Ça dure le plus longtemps possible. Je suis pas sûr que pour les déos pour femmes il y ait le même truc. Je dis peut-être de la merde. Ouais, ouais. J'ai l'impression de l'entendre surtout pour les déos pour hommes. Et il ouais, y a un côté, tu vois, genre ça. Ultra performance, comme s'acheter une voiture qui roule à 300 alors que c'est limité à 130 sur l'autoroute, tu vois. Mais alors tu dis, fait, ouais, faut... mais ma, ouais. Moi, ma voiture, elle va à 130. Oui, mais on s'en bat les couilles, tu peux pas y aller, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu limitations. Un truc de genre, moi, j'ai le déo le plus performant, mon pote. Mais en fait, les déos, ils devraient. Les déos, ils devraient être rangés par activité. Genre, ça résiste à faire un foot, ça résiste à. Enfin, tu Twitcher. Vois. Twitcher à donf, c'est-à-dire que selon tes efforts, choisis tel ou tel ménène, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà, une info que je vous lance, ménène, n'hésitez ça. Pas, on adore l'argent. Hein, donc, et surtout, sortez un déo, allez à la Japan Expo, parce que visiblement ça n'existe pas encore. Et du coup, instant, inventez-le. Franchement, ménène, sponsorisez la Japan Expo, ayez un petit stand à l'entrée où vous distribuez gratos des échantillons. Ouais. Peut-être une très bonne idée. Non, mais tu sais, comme peut-être. Ils font maintenant avec le gel hydroalcoolique, mais avec du déo, quoi. C'est, il dit levez les bras, voilà. Vous mais d'ailleurs, alors, pardon, je fais un petit écart, mais là, la nouvelle machine, je sais pas si tu l'as vu, du gel hydroalcoolique qui est en gros du Dyson, comme quand tu vas te sécher les mains, mais avec du gel hydroalcoolique, c'est vraiment devenu des machines. On a commencé avec un petit switch scotché à la merde sur l'entrée de la Fnac, et maintenant t'as vraiment des machines énormes où tu mets tes mains, ça te souffle dans les mains. C'est ah, la technologie elle va à une vitesse folle, hein. Ben, je vous le dis, hein. J'ai envie de ressortir un truc des tiroirs, mais à mes yeux c'est Black Mirror. Bah oui, j'ai bien l'impression. On vit dans Black Mirror. Est-ce que tu as déjà bu de l'alcool, Adrien? Oui. Moi aussi. C'est un peu chiant parce que c'est le truc où je pouvais gagner parce que j'en bois pas en règle générale. Mais il y a peut-être une question corollaire comme avec la masturbation. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je sais pas. Ah bah regarde, tu as raison. Car la question après c'est avez-vous déjà été ivre? Alors non. Moi non plus, j'ai jamais été. Ah j'ai ouais, jamais été. J'ai jamais été bourré. Ivre. Non. J'ai d'accord. Déjà été genre pompette, je pense. Genre, ouais. je suis genre, oh là, dis donc, je rigole. Mais il y a des éléphants roses. Ouais, ouais, non, mais en pour plus, moi, c'est même ça, pas, là, je quoi. Rigole. Genre, je suis. Tu vois, tu sens qu'il y a un petit truc différent, mais j'ai jamais été ivre. T'as jamais été ivre le lendemain où t'as fait, oh putain. J'ai fait non, de la non, merde. Non. Sachant que moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai déjà ça sans boire. C'est-à-dire que l'euphorie. De la fête et d'une soirée, fait que parfois le lendemain matin, je me dis oh là là, j'ai trop parlé, je me suis trop fait remarquer, mais j'ai vraiment fait de la merde. Est-ce que tu le serais au point de dire à tes potes désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers, Ouais. Non, je pense que j'aurais, même si j'avais la tête dans le cul dans le brouillard, ouais. J'éviterais d'en parler. Même quitte à refaire après un remix avec deux potes à toi, deux potes. YouTubeurs. Ouais. Non, je pense non, pas. Okay, non, ça d'accord. M'est pas arrivé. Pas, non, pas okay, à ce point, donc non, on n'a jamais donc été non. Ivre. J'ai mis non. Est-ce que tu as déjà participé à des jeux à boire? À type le CAPS? Alors, je me souviens non, de ce jeu. Non. Jamais. La biscotte? Non. C'est un je jeu à boire, la biscotte, quelque une part. Très très belle vidéo de Jérôme Niel, je sais pas si tu l'as vu. Elle est incroyable. Elle est géniale. Vidéo Insta où il fait. Le mec coupe le live. Et que c'est un placement de produit. Enfin, c'est ouais, vraiment je vous invite vraiment à aller sur la. Bon, vous le suivez sans doute déjà parce que c'est une resta d'Insta, mais. Et puis c'est hilarant. Ouais. Jérôme Niel qui participait à un live Betclic, je crois, avec. Ouais, c'est ça. Loris. Ah, je sais plus son nom, mais oui, bon, c'est quelqu'un qui fait des interviews, qui oui, fait des trucs qui est assez marrant d'ailleurs. Ouais. Et c'était donc un live pour parler de foot. Et bon, je vous spoile pas, mais. Et après, vous verrez, ça parle drôle. De biscottes. Ça parle de biscottes. As-tu déjà vomi à cause de l'alcool? Bah non. Non, non. Ouais, non, moi non plus. À part peut-être, est-ce que ça compte si j'ai vomi de stress à cause de l'alcoolisme de mon père? Non, je crois pas. Non, non, mais en plus ça n'est jamais arrivé, je pense. Non. mais non, j'ai jamais vomi à cause de l'alcool. As-tu déjà vomi sur toi-même ou sur quelqu'un d'autre? Bah moi pareil, ça m'embête parce que c'est pas à cause de l'alcool, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Attends, mais de toute façon là c'est plus à cause de l'alcool parce que sinon... Non, la question ne le dit pas, Ben si c'est pas... On est d'accord, donc ça c'est le même test qu'il y a 30 ans quoi. Bah, je crois. Ce test existe depuis. D'accord. Ah oui, depuis la nuit. Oui, bah sur moi-même. Bah ouais, ouais. Alors oui, moi c'était. C'était, je me souviens, j'ai pas, enfin, en plus c'est vraiment un test de pureté. J'étais enfant, j'avais pris l'avion tout seul, mais j'étais vraiment petit, quoi. Et donc tu sais, j'avais. T'as pris l'avion tout seul? Ouais, et donc tu sais, il y a un peu des protocoles d'encadrement pour les enfants où t'as ton nom en énorme autour du cou et t'as des hôtesses qui t'amènent à l'avion, qui te machin, etc. Et du coup, moi j'avais pris l'avion et j'allais dans le sud de la France. Okay. Et j'avais mon blouson. D'accord. Et en fait, je commençais à avoir chaud de ouf dans l'avion. Et donc je dis à l'hôtesse, est-ce que je peux enlever mon blouson? Et l'hôtesse, donc je pense que genre ça la faisait chier ou je sais pas, m'a dit, bah non, on peut pas enlever sa ceinture. Donc faut, je garde mon blouson, je crève de chaud et j'ai dégueulé sur moi, quoi. Sur ma petite fiche avec mon nom en plus, quoi. Oh là là. Mon truc terrible. Plastifié, là, j'ai vraiment dégueulé dessus. Et, ils étaient plastifiés, et du coup, donc l'hôtesse ça a pas marqué, qui a dû s'occuper de moi, j'avais une partie de moi enfant se disait, ben en même temps, meuf, ça fait vraiment une heure que je te dis que j'ai très chaud, quoi. Je t'avais dit. Voilà. Bah ouais, moi pareil. Moi c'était pas enfant, je pense que c'était plus ado. Je sais qu'il y a eu un grand 8 à Disney qui m'a fait que je me suis gerbé sur les pompes un petit peu. Et j'ai un pote. Alors il m'a pas vraiment vomi dessus, mais c'était quand même assez joli. J'avais un pote qui était ivre mort. Ouais. Et Yann, que j'embrasse, qui Yannou. Yannou, j'avais mon groupe de rock. Rappelle. C'était le batteur de mon groupe de rock Cellar Squad, dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Et il a vécu à un moment à Marne-la-Vallée avec moi. Alors on n'était pas coloc, mais on vivait dans le même immeuble. Bref, on est à Paris, on fait la teuf, lui il boit et il est ivre mort. Et moi j'ai mon Kangoo à l'époque. Bien sûr. Et que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui est dans le parking de Canal Plus depuis maintenant 7 ans et je n'y suis jamais retourné. Ah oui, il est toujours là-bas? Ouais. Mais c'est incroyable. Mais là, je pense qu'il faut faire une vidéo. On va récupérer le Kangoo de Flaubert. C'est vrai. Le Kangoo. Ce serait juste une voiture qui démarre pas, je pense. Mais ouais, voilà, c'est ça. Non, mais en plus c'est dans le parking de Canal, donc en fait je vois déjà j'ai déjà le stress de les dépanneurs qui me disent bah on peut pas rentrer dans le parking, de Canal qui me dit bah vous êtes plus employé donc vous pouvez pas venir la chercher. Enfin mais bon, tout, justement, tout me stresse. C'est ça qui ferait une bonne vidéo. Pas c'est forcément. Vrai, mais c'est ça qui ferait un mauvais moment de vie et donc du coup. Parce que moi je t'emmènerais avec Jeannot. Ah ben oui, c'est vrai que toi t'as Jeannot. Tu et pourrais on même tracter. On prend des pinces crocodiles et on redémarre ton Kangoo. Si on lance le Patreon ouais. À 50 subs sur le Twitch d'Adrien. Alors, déjà aussi c'est si on est déconfiné un jour. Oui voilà, alors c'est ça c'est le truc qu'on maîtrise pas. Mais Voilà. Donc bref, j'avais mon Kangoo à l'époque, je ramène Yann dans notre immeuble et en fait sur le périph, à un moment je le vois, il dit je peux sortir un peu la tête, je me sens pas très bien. Je ah, ouais, mais pas je me rappelle de ça. Et je ne l'entends pas. Oui, je crois on se connaissait déjà, bien sûr, Adrien. Non, mais dans un bon moment, je l'ai utilisé cette anecdote pour te faire deviner voiture. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais zappé, exactement. Bah voilà. Et donc, il avait dégueulé par la fenêtre et ça avait fait un espèce de V de vomi. Le V de vomi, d'ailleurs. Le V de vomi, ouais. Il avait essayé d'écrire, c'est vraiment fort. Parce qu'avec la vitesse sur le périph et le jet qui part de sa bouche pour aller contre directement ma bagnole. Ça faisait la photo, faudrait que je la retrouve pour la mettre sur Twitter, mais ouais. Il y avait vraiment la gerbe qui tapissait les portières de ma voiture. Je suis en train de me dire, si jamais vous êtes hémétophobe, c'est trop tard. On fait un trigger warning, mais une fois que vous êtes déjà en train de suer, d'avoir des sueurs froides à cause très de votre gouttes. Phobie. Désolé. Est-ce que tu es déjà tombé parce attends, que tu étais attends, trop parce que moi j'ai une autre anecdote. Ah, bah oui, on lance sur le vomi, ça s'arrête rapide, pas. Mais c'était non, un vas-y, jour. T'inquiète. Je devais bosser, je pense que c'était sur Groom d'ailleurs. Je devais écrire mes épisodes et tout, donc je devais bosser, machin. Donc je me dis, allez, je me casse, je vais un peu loin de chez moi, genre je marche et puis après je me pose et j'écris quoi. Donc j'avais mon iPad et tout, machin. Et je me pose, c'était à rue Mouffetard, genre, tu vois, donc quartier mignon, tu vois, je m'étais baladé avant. Je m'arrête rue Mouffetard, je me trouve dans un petit endroit où il n'y a pas trop de monde, je me pose, je prends un thé, je crois, un truc comme ça. Et je bosse et tout, et je me dis, putain, c'est quand même cool. C'était l'hiver. Et je me dis, donc moi, j'ai je pose ma parka sur le dossier de la chaise, je bosse, je bois un thé délicieux et tout, machin, je vois les passants qui passent, et sans doute pas loin de Noël et tout. Enfin, tu vois, il y a un peu une ambiance cool, et je me dis, putain, j'ai quand même une chance incroyable d'avoir ce train de vie là, de pouvoir bosser où je veux, d'être au cœur de Paris. Ah oui, tu es dans etc. un film de Capra à ce moment-là, c'est absolument, vraiment genre tu goûtes de Capra, la vie. Ouais. Jusqu'au moment où un môme dégueule par terre et les éclaboussures de dégueulis vont mouchette ma parka. Et vraiment, il y avait son daron, il m'a regardé genre désolé, enfin il pouvait rien faire. Tu peux rien faire, oui, tu peux rien faire. Et tu sais, c'était pas non plus, c'était pas une flaque de gerbe sur mon manteau, mais genre vraiment des petites, juste assez pour te dire. De toute façon, une goutte de vomi sur tes vêtements, c'est une goutte de trop généralement, tu vois. Ouais, c'est déjà être en contact avec de la gerbe, quel que soit la quantité, c'est un peu relou. Aucun degré de vomi n'est acceptable. Alors là, il y a une question très bizarre. Avez-vous déjà drogué vos parents? Bah non. Alors moi, ils se débrouillaient très bien tout seuls. si on considère que l'alcool est une drogue. Bien sûr. Moi perso, je le considère. Ce sera un autre débat. Petite parenthèse, il paraît que un pétard ou un Ricard, quand t'as vraiment le cafard, à choisir, il y a pas photo. Moi, je choisis le Marocco. Ça c'est Matmata, non? Ouais, c'est Matmata. C'est ça. Non mais en vrai, j'avais lu, alors à vérifier, que le sevrage de l'alcool est plus difficile que le sevrage c'est l'héroïne, je crois. Ah oui, carrément. Je crois que ouais, le sevrage est plus éprouvant pour le corps et pour tout quoi. Que enfin vraiment, c'est une addiction très très forte, l'addiction à l'alcool. Si vous pouvez me permettre un petit message politique, l'alcool c'est de la merde pour moi. Exactement. Je vous le dis. Hein. Non, mais je vous le dis. Et mon grand-père avait inventé, parce que mon oncle a inventé si je vais bien, c'est juvamine. Je me suis toujours demandé si on l'avait dit dans le Floodcast, ça. Oui, oui, parce que c'est quand même. Mais on l'a pas dit dans le Floodcast avec Cyprien, non? Enfin, je crois que je l'ai même dit plusieurs fois, je pense. En tout cas, mais c'est vraiment une vraie info. Là, si je vais bien, c'est juvamine, c'est du Meunier, enfin, c'est de la famille. C'est Amador, c'est du côté de ma mère. Ah. Mais d'accord. Et son père avait inventé un slogan qui n'avait pas percé, je crois, mais que je trouvais pas mal, qui était dénoncer les juifs. Ah oui, c'est pas. Pas dingue. Non, pas celui-là. Okay. Non, c'était l'alcool, c'est ami qui vous veut du mal. Oh, pas mal. Je pense pas qu'il je pense pas qu'il ait eu un retentissement international, enfin national, mais non, j'en avais pas entendu parler. Voilà, mais c'est une belle phrase. Voilà. Bah donc moi, j'ai jamais drogué mes parents. Hein. Non. Excusez-moi d'être un peu chiant. Ouais, ouais. D'être pur. Oh le pur. Oh le pur. En fait, si tu mets oui directement, les keufs t'appellent directement. Ça va, c'est juste un test. Avez-vous déjà comploté pour j'allais faire une blague, peut-être pas. qui est pas des. Je retire. Droit pas à la plus good mood. Tout le monde. Du coup, c'est pire parce que vous faites la blague dans votre tête maintenant. Je suis sûrement pire que ce que tu voulais faire. Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force? Non. Déjà. Eh ben, écoute. Déjà. Êtes-vous déjà allé dans un bar? Je suis deux doigts de dire non déjà donc. Écoute, moi je vais dire oui, mais en l'occurrence c'est une anecdote inverse de pure, donc c'est vraiment, ce test n'aura aucun sens à la fin, mais bon, ça permet de raconter des trucs. Tu as refusé de boire de l'alcool et ils t'ont sorti de force. Mais c'est exactement ça, Adrien. Mais merde. Alors, ça nique la chute, mais c'est pas grave, je vous raconte quand même. Ah, je suis une merde. Mais t'inquiète, en même temps, on sentait que ça allait venir. Mon envie de jouer et de deviner là qui est insupportable en fait au quotidien. Qui prend le pas sur ta vie, mon pote. Ouais, non, horrible. Non, mais la vie des autres, je gâche la vie des autres. Mais non, t'es super. Pour mon propre plaisir. En gros, quand j'étais étudiant, moi j'ai fait mes études à Paris, mais tous mes potes faisaient leurs études à Dijon, mes potes de lycée. Donc j'allais souvent à Dijon pour traîner avec eux, faire la teuf, etc., etc. Et il y avait un bar à Dijon, et je sais pas si les Dijonnais qui écoutent ce podcast, et je sais qu'il y en a, connaissent le Vieux Léon. Le Vieux Léon, c'est un bar qu'il y avait à Dijon, je sais pas s'il existe encore, qui était vraiment un bar de vieux de la vieille, quoi. Vraiment ambiance tout... Scandale. Hein ? Scandale ? Ouais, et la danse était d'ailleurs plutôt, enfin voilà, assez vandale. Ouais, assez vandale. Et donc ouais, c'était vraiment le gars qui tenait ça, c'était un vieux de la vieille qui parlait patois bourguignon, des trucs comme ça. Et donc on est allé là-bas, je ne sais pas pour quelle raison, parce que moi je sentais que c'était pas mon univers, c'était pas voilà, j'allais pas dans un monde qui était exactement le mien. Et toi, tout t'étais le monde commande plus cabane à branlette tranquille en solo quoi. C'est ça, exactement. Donc, on doit aller prendre la commande au bar, parce qu'évidemment, il ne se déplace pas. Et donc, tout le monde prend de l'alcool. Et moi, après, je dis, je vais prendre. À sa décharge, il est vieux. Non, mais oui, mais bon, bref. Il pardon. Pouvait faire un petit mouvement. Non, mais il avait 60 le vieux ans. Léon, quoi, excuse-moi, il est jeune, peut-être. Non, c'est vrai. Sinon, il aurait appelé son bar le jeune Léon. Le jeune Léon. Mais ça s'appelait comme ça au départ. Hein. Après, il s'appelait le Léon entre deux âges. Après, il s'est appelé le Léon. Wow, la jeunesse, c'est quand même dans la tête. Et après, le vieux Léon, il a assumé. Le boomer Léon. Et après, il y a eu le pré-retraité Léon. Et là, le. Et oui, l'incinéré Léon, ça, il s'appelle. Mais d'ailleurs, ouais, c'est ça, j'allais dire, depuis, c'est le Léon qui chie dessus. Et maintenant, c'est le Léon incinéré. Donc, tout ça pour dire que tout le monde commande de l'alcool. Et moi, ne buvant pas d'alcool, je demande un coca. Aïe, aïe, aïe. Le Beaujolais du Texas. Il aurait pu. Il m'a répondu plutôt, t'es pas au McDo ici, hein. Ah donc, ouais, putain. D'accord. Je fais bah du coup de l'eau. Fais de l'eau. T'es une plante. T'es une plante. Je fais bah non, je ne suis pas une plante. Je suis un humain. Une belle plante à la limite. Non, non, j'étais bah non, mec, 18 ans, infect. Non, t'étais donc, oui, t'étais affreux, oui. Affreux, affreux, affreux. Donc au bout d'un moment, quand l'eau est refusée et le coca aussi, quand tu bois pas d'alcool, ça réduit beaucoup. Oui. Et quand même, je m'attache, tu vois, je fais bah, vous avez pas du jus d'orange. Il dit si, mais je le sers qu'avec de l'alcool. Je fais, bah, c'est dommage parce que vous avez du jus d'orange, du coup, moi je suis prêt à vous payer. Et il m'a dit, bon, écoute, si tu veux pas boire, tu te casses. Et je suis sorti, mais plus par colère, tu vois, il y avait un truc dans, je ne vais pas jouer le jeu de ce cliché bourguignon ambulant. Putain, mais c'est incroyable. Et quelque part, je me suis fait sortir de ce bar, puisqu'on m'a incité à sortir, quoi. Donc, moi, je me suis quelque part fait sortir d'un bar. Mais moi, je me souviens, quand j'étais ado, j'étais allé dans un resto un peu dans la montagne avec mon père et des amis à lui et tout, dans le sud de la France. Donc, c'était un peu un truc genre un peu perché dans la montagne et tout. Et donc, tout le monde commande à boire. Et mon père, moi, je voulais un coca. Mon père voulait évidemment un Ricard. Ouais. Et donc, mon père dit, ouais, un Ricard et un coca. Et le mec, il dit, le Ricard, c'est pas bon, le coca, c'est pas bon. Et il se casse. Et on fait... Il est marrant le mec et tout. Il n'a jamais servi et donc on s'est dit mais en fait il était sérieux quoi. Et donc, du coup le deuxième serveur on lui a dit oui excusez-moi on avait commandé un Ricard et tout et le mec fait ah oui oui il est un peu et genre le mec voulait pas à refuser. Incroyable. Mais genre juste par je sais pas pour par religion pour visiblement. Cela dit par... à sa décharge il avait un peu raison pour mon père. C'était vraiment pas bon, mais ouais. Bon, le coca, après le coca, voilà, c'est pas bon non plus. Il a raison le mec. Mais il après, avait raison voilà. Ce mec. Avez-vous déjà participé à un barathon, à savoir tous les bars d'une ville ou d'une rue? Bah non. Voilà. Bah non, non, non. Voilà, voilà on habite d'ailleurs, pas les gens qui font ça, Rennes. Je pense, sont des merdes. Je peux le dire ou. tu peux pas être. T'es forcément horrible un peu, quoi. Non, mais vraiment. Oui, bah oui, bien non, sûr. Sois sincère. Non, est-ce que tu non. Dis je peux... En plus, je dis ça, ça se trouve, j'ai des potes qui. Mais qui, je sais qui... pas, je peux comprendre. Alors, je suis allé à Caen. On fait tous les bars, mon pote. Bah, nul. Et tu détestes. Mais non, mais. Ouais, je t'explique. Putain. Mais non, mais le moi... but, c'est d'être bourré. Bah oui, évidemment. C'est vraiment non, mais le truc, mec, putain. Dans. De, je suis, quand, je suis passé, quand je suis à passer sur le tournage de Groom, j'étais allé à Caen, qui était pas très loin de là où on tournait Groom. Là, et... tu vas me dire que je viens de chier sur des gens que je connais, avec qui mais j'ai non, tourné. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Non, non, non. Mais non, j'y suis allé tout seul, moi, à Caen. Et quand je voyais la rue. Oh, Caen. Caen, je suis allé à Caen. Il m'a dit Caen, ça, j'étais hier. Il m'a dit Caen. Oh, je transpire. J'ai pris mon billet pour aller à Troyes. Ils m'ont dit, mais où sont les deux autres? Mais vous êtes j'étais tout seul. J'étais tout seul, j'ai dit que je vais à Troyes tout seul. J'ai dit, bon bah je vais à Tours, faire un tour ou ça? Mais non, mais à Tours, je vous dis, je transpire. Oh, on m'a dit, Paris. J'ai dit, mais je ne fais pas de Paris, je ne suis pas Didier Bourdon dans le film. Oh, je transpire. Paris, mais oh. J'ai pas rigolé, j'ai rien dit, rien de drôle. Oh, non. Paris. Oh, Lyon, Lyon, je suis pas dompteur. Oh, oh. Je préfère les sneakers que les lions. Oh, je transpire. Là, voilà, quand on disait d'énormes ringards, c'est là. Je sais même pas qui a la ref dans ceux qui nous écoutent. Moi, bon, si. Fatalement, il y a des ringards qui nous écoutent. Hein. En l'occurrence, il doit très très bien se marrer là-haut avec Coluche et Desproges, Raymond DeVos. Ouais, mais peut-être que Coluche et Desproges lui disent. Arrête avec tes calembours deux secondes. Arrête les peut-être. Jeux de mots. Arrête. Enfin, ils disent eh, enfoiré, les jeux de mots. C'est Coluche. C'est une imitation de Coluche que je te propose. Est-ce que tu l'as apprécié? Bien. Une note sur 10? 8. Ah ouais, quand même, pas mal. Bah oui. Une mention, j'ai une mention bien. Ouais, ouais. En moyenne, combien de fois... oui, putain, ce que je voulais dire sur les marathons, bon bref, à Caen, il y avait un truc où tous les bars étaient différents le long d'une rue piétonne. Et moi, je bois pas d'alcool, mais je peux comprendre qu'il y a un peu une salle, une ambiance, avec peut-être des cocktails différents dans chaque ouais, bar, mais je dis ça, bon, j'y connais rien. Oui, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais en vrai, c'est que moi, j'ai un peu l'image de... la bande de jeunes bourrés. Le dernier pub avant la fin du monde, quoi. Oui, le mec voilà. qui est relou, quoi. Ouais, bien sûr. Ah mais bah, en alors vrai, là, pour il est triste, coup, en fait. Moi, ce que je déteste, c'est à Paris, c'est les groupes, ou dans d'autres villes, mais en l'occurrence, moi, je les croise à Paris, dans le métro. C'est les groupes de jeunes bourrés qui parlent fort. Et qui boivent de la vieille villageoise dans une bouteille en plastique. Et vraiment, ça, je peux les tabasser. Alors, je le fais pas, ouais, très lâche. Les foufous qui rentrent en parlant fort et ils ont une bouteille de vin à la main. Et qui font eh, bonjour tout le monde. Eh, t'as vu ce que j'ai dit. Mais il y a un truc un peu marrant, c'est qu'ils finissent toujours. Il y en a toujours un qui finit tout seul. Quoi, genre, c'est ça que t'allais dire. J'aime ça parce que je me souviens d'un tweet que j'avais lu il y a longtemps où quelqu'un disait la solitude de l'ado qui est rentré avec son groupe de copains foufous et qui se retrouve tout seul. C'est vraiment vrai dans le geste où ils mettent leurs écouteurs. Pour moi, c'est vraiment ce geste de s'asseoir et mettre ses écouteurs de la vacuité. Et tu sais, ils maintiennent un sourire quand même, mais c'est plus un sourire qui veut dire non, mais en fait, je suis normal. Je suis pas. On déconne. Il y a pas de c'était une blague en fait. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Bon bah non. Hein, alors, oui, mais c'est parce que je m'emmerdais. J'étais en boîte. En fait, j'étais quand j'avais 17 ans, je pense. 18 ans peut-être. J'étais allé en vacances. T'as quitté ta campagne ou pas? J'ai bien décidé à conquérir Paris, je veux dire. Alors en l'occurrence, c'était conquérir Tahiti. Parce que j'avais un ami qui habitait à Tahiti. Et j'étais parti en vacances chez lui. Ah ouais? Et alors, stylé. Cette vie, Adrien, que je découvre de toi, cette vie folle. Pas si folle. Tu prends l'avion tout seul, tu vas à Tahiti, ça va la vie. Oui, bah, un taré, quoi. Là, le test de pureté, il explose le plafond, quoi. Non, mais j'étais allé en vacances. Je devais avoir 17 ans parce que c'était le bac de français. Je venais d'avoir le résultat qui était assez vraiment très bon. pas tant en plus, je crois qu'à l'orage, c'était nul à chier. Mais bon, peu importe. j'étais allé en vacances chez lui pendant un mois, je crois, ce qui est très long. Sauf que on s'était pas vu depuis un moment en fait avec ce pote qui était parti habiter à Tahiti, et il se trouve qu'on était devenus deux ados assez différents, c'est-à-dire que lui, moi, j'étais plus sur l'ordi et lui, il était plus je vais en boîte tous les soirs. Bien sûr. Alors que moi, je n'y étais jamais allé de ma vie et j'avais pas vraiment envie d'y aller, quoi. Et donc du coup, étant chez lui, je vivais à son rythme, et du coup quasiment tous les soirs on allait en boîte et moi je détestais, bien sûr, et du coup ça m'est arrivé de m'endormir dans la boîte, mais juste parce que je me faisais chier, quoi. J'étais sur une banquette parce qu'en fait moi j'adore danser, sauf que en boîte tu ne peux pas danser vraiment, bien sûr, enfin une boîte où il y a vraiment beaucoup de monde, ce qui était le cas. Ouais. La boîte qui s'appelait, je vais le dire parce que ça se trouve, il y a des gens qui nous écoutent à Papeete, qui s'appelait le Zizou Bar. Avant Zidane. Hein. Ah ouais, avant là. Putain, le bar, il a dû prendre un nombre de gens d'un coup. Ah ouais, ouais. Le Zizou Bar. Voilà, on allait au Zizou Bar et je me rarement autant emmerdé. Florian, si tu m'écoutes, Bon, après, ça t'aura pas échappé, je m'étais vraiment fait chier énormément. Le fait de dormir sur une banquette laisse peu de place au doute. Voilà, c'est ça. Mais donc, du coup, c'est vrai que tu te dis, putain, je suis allé à Tahiti, mais je l'ai quand même beaucoup passé à me faire chier dans une boîte. Alors après, c'est vrai qu'on faisait aussi de l'ordi pendant la journée, mais du coup, pas vraiment profité de ouf de Tahiti, quoi. Bah, c'est pas les deux activités qui me viennent en tête si tu me dis, viens, on va à Tahiti. C'est pas les deux trucs qui me chopent direct. Tu dis ça, ça me fait penser. Alors, c'était pas en boîte ou dans un bar, mais moi j'ai déjà dormi. Et elles sont pas nulles d'ailleurs, moi je trouve. Les s'endormir, genre sur un tas de vêtements dans une soirée ou dans une salle des fêtes, pas désagréable. Moi je détestais pas ce truc là. Je trouvais ça plutôt, ouais, plutôt mais après il y a un truc cool. Avec la musique en fond, la musique très forte en fond, je sais pas, il y a une ambiance que j'aime bien. Bah, moi bon, allez, j'essaye d'allumer une bougie, j'abandonne. Il y a ce truc cool de s'endormir quand il y a de l'activité autour de toi qui te concerne pas un peu, tu vois. Je sais que moi, quand j'étais ado, j'adorais, bon, tu vois, genre, j'étais sur l'ordi, machin, j'allais me coucher et j'éteignais la lumière. Et quand j'entendais qu'il y avait ma mère dans la pièce à côté, dans sa chambre, qui regardait la télé, j'adorais, je sais pas pourquoi, tu vois, de me dire, putain, moi je m'endors, mais il y a là, il y a une activité qui continue. Ah, je suis d'accord, j'avais il y a vraiment un côté, mais tu sais, c'est comme t'endormir alors qu'il y a tes potes qui discutent. Bon, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais oui, tu sais, oui, tu, oui. Le côté, non, mais quand tu, parler, moi je m'endors, et il y a un côté hyper réconfortant en fait, quoi. Alors peut-être pas exactement. En boîte. Exactement. Pas en boîte, c'est même non. Pas, peut-être pas en boîte, pas du tout en boîte. Mais je comprends ton truc de genre ouais, sur un tas de vêtements gros, et tout. Au jour de l'an, par exemple. Souvent, il y a un truc où il y a de la musique jusqu'à 7h du matin et moi je me couche avant et j'aime bien me dire, t'as, il y a encore la musique un peu éloignée à fond avec les gens qui crient et qui dansent et moi je suis claqué donc je m'endors quoi qu'il arrive et voilà, c'est une ambiance que j'aime bien. Voilà. Ouais, ouais, ouais. As-tu déjà fumé une cigarette ? Non, en entier non, j'ai déjà tiré. T'as crapoté, crapoté, grosse merde. J'ai déjà tiré sur une clope mais ça s'est arrêté là quoi. Ouais, vu que j'ai moi non plus. Ouais. Avez-vous déjà fumé un joint ? Bah pareil, moi j'ai tiré mais j'ai pas fumé. Oh, mmh. J'ai mis oui quand même. Si oui. Si toi t'as fumé un joint toi. J'ai fumé un joint. Toi tu non ? Non, j'ai tiré sur un joint mais pas pareil, j'ai jamais fumé un joint entier. Mais moi c'est plus un bang en vrai. Moi j'aime vraiment pas la cigarette mais c'est plus un truc de tu sais avec la bouteille d'Evian, un charbon, un truc machin, ça j'aime bien mais la cigarette en elle-même moi ça me pique trop la gorge, je déteste ça. Bah t'es pur, déjà... ah le pur. Oh le pur. Ok. Avez-vous déjà coulé une douille? Je ne sais même pas ce que ça veut Qu'est-ce dire. Qu'est-ce que ça veut dire, je cherche. Attends, et non je... pas douler une couille. Oh, j'ai pris le train à Caen. Couler une douille, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà on, c'est là où on voit qu'on est des purs déglingos, c'est qu'on Pour cherche. Moi ça va la chiasse. Pour moi ça va. C'est ah bah quand c'est tu fumes un bang. Sur un bang, tu mets ton mélange de tabac et de shit dans une douille. Couler une douille, c'est quand tu la prends en une seule fois que la douille est finie d'un coup. Bon, je ne sais, j'ai pas plus compris. Est-ce que c'est juste fumer un bang ? Moi, je dis fumer un bang, j'ai déjà fait, donc je mets oui. Allez, ouais, vas-y. Mais c'est... Attends. En gros, c'est... je crois que c'est genre tu mets la dose complète en une fois et tu... Je crois non, que bah ça. Ça j'ai jamais fait. Bon, j'ai mis oui, c'est trop tard. Bon, toi, t'as pas fait, de toute façon. As-tu déjà été à l'église volontairement ou dans un autre lieu saint ? Non. Bah moi pour des enterrements quand même. Oui mais ah oui mais c'est pas volontairement, c'est si parce que j'ai tué la personne donc du oui, coup c'est ça. C'était pour mon alibi donc c'était n'a rien voilà à ça marchait pas mal. Moi j'y suis allé une fois, ouais mais là le problème c'est que c'est souvent quelques fois jamais donc c'est plus jamais quand même. Mais une tu fois vois, j'y suis allé, ouais non mais c'est là où je suis là leur test genre d'où être religieux c'est être pur quoi. Non tu vois. Mais c'est très pieux, enfin on s'en bat les couilles, c'est ouais ouais de, non mais voilà. Bon quelle gauche quand même. Je l'ai lu. Non mais ouais. Le truc c'est que je suis allé moi l'été dans une église parce qu'il faisait très chaud et j'avais une heure à tuer et je me suis mis dans une église et c'est vrai qu'il fait très frais et que c'est très pour la méditation, enfin la méditation, pour être un peu calme, posé sur une chaise bien, chouette endroit en vrai, en vérité. Après des fauteuils à la place de chaises en bois infectes, pas si mal, il pourrait le tenter. Ouais. Quand t'as ta religion à 2000 ans, tu peux mettre des oui. petits sièges. Peut-être il y a des innovations à trouver sur les trucs sur lesquels on voilà. s'assoit. Voilà, c'est ça, exactement. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Bah oui. Oui, oui, oui. Bah oui. Bah pas évident, mais bah ça dépend. En vrai. Non, ça mais ça. Non, mais oui, on va dire oui, oui. Quand même. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé ? Oui. Oui. Et j'aimerais briser un tabou. Le bain à deux, nul, pas ouf. Ouais, oui, voilà. Bah ouais, je suis d'accord. Bah ouais, franchement, moi je mais c'est aussi compris. Parce qu'on a des baignoires de merde, je pense. Non, mais le problème, tu veux que je te dise, le problème, nous, c'est que nos baignoires, il y a le robinet qui est à une des extrémités. Oui, alors qu'il y a qu'à rester ici. S'il y avait, voilà, le robinet au milieu, chacun se met d'un côté, adossé, et ça peut être sympa, je pense. Mais sinon, il y en a. Je te dis, moi j'ai pas adoré. Ah, mais douche, super. Douche, très bien. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus ? La formulation est très drôle. Impliqué ? Excusez-moi, on a plusieurs témoins qui ont vu que vous étiez impliqué dans une fellation. Mais pas du tout, je tenais la bite du gars, c'est tout. Absolument pas, j'ai un peu craché dessus pour que la personne puisse la sucer facilement parce qu'elle avait la bouche sèche. Mais sinon, tout. J'ai rien. Je lui ai fourni un verre d'eau. Vous êtes impliqué dans la fellation, désolé. Merde. Ça m'est déjà arrivé, hein. Avez-vous déjà eu un rapport anal ? Eh ben oui, écoutez, ma foi. Écoute, non. Ah bah tiens, Alors. Ah voilà, ouais. Eh bah ouais, bah on se livre de toute façon. Hein. Avez-vous déjà fait un 69? Eh bien oui. Alors non, non plus. Non plus. Attends. Oh, non, bah non, j'ai non, non, 60, non, non. J'ai fait un 69 et j'étais à Lyon. Mais oh, je change pire. Ça me rend pas, ça m'enthousiasme pas plus que ça l'idée. Moi c'était pas prévu, ça s'est fait un peu sur le coup et sur le moment sympa, mais pas. Mais d'ailleurs comme le rapport anal précédemment cité, c'est pas des trucs qui m'ont. Enfin tu vois, ça s'est fait, mais voilà quoi. C'était pas un truc à cocher dans ma vie et tu vois, c'est pas un truc ouais, que je fais régulièrement. C'est comme Space Mountain quoi. Mais d'ailleurs pareil, il y avait un gars qui m'a mis un harnais. Il y avait une photo à la fin. Il y avait un truc, si tu es plus petit que ça, tu ne peux pas... Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Eh non. Ce petit « et ». Et non. Non mais non. Je repense souvent à la phrase de... La phase d'Orelsan où il dit « Avec deux meufs, c'était nul, ça m'a rappelé que j'ai du mal avec une ». Ouais. Et je me dis « Ouais, ça sera la même, ce sera la même, je pense ». C'est exactement ça. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Bon, non. Non. On est d'accord, du coup, que quand c'est un robinet anecdote, quand on n'est pas d'énormes nullos comme nous. Parce que là, à part se dégueuler dessus quand on avait 6 ans, on n'a vraiment rien. C'est vrai, mais j'aime bien. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Alors, non, mais pas loin, mais vraiment par fatigue. C'était alors, vraiment d'une si tristesse. On considère la masturbation comme un acte sexuel, ça m'est arrivé de m'endormir. Parce que, voilà, avant de dormir, il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi, si je me masturbe avant de dormir, ça me réveille. Mais moi, ça me détend. Ouais. » Et des fois, j'attends d'être trop fatigué, tu vois. Et ça m'est bien arrivé. Sûr. De en fait juste je me réveille et je suis ah c'est vrai que j'étais en train de faire ça mais moi j'avais une meuf qui avait dormi chez moi à l'époque encore où j'étais étudiant et déjà elle a dormi chez moi donc si tu veux il y avait peut-être un truc de ah peut-être il va se passer quelque chose mais on s'était même pas embrassé rien c'était une pote mais en même temps voilà comment dire, il y avait pas vraiment tant d'ambiguïté que ça, mais là en l'occurrence on avait dîné, on avait fait une soirée ensemble et elle m'a dit je peux dormir chez toi. Donc allez. T'es étudiant, tu te dis bon à mon avis là ce soir c'est parti. Et on était rentré et je me souviens j'avais mis de la musique et tu vas te foutre peut-être de ma gueule. C'était Crazy Frog et là je suis au contraire je suis fier. Non, c'était l'album Californication des Red Hot Chili Peppers. Bah, au moins, tu joues franc jeu, tu lui dis je te préviens, je pue la bite, quoi. C'est une façon très délicate de lui faire comprendre le message, quoi. Quand je joue, je fais pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, tu sais, les Red Hot, là, Bombolayo, Scabadabadabadabadab, Scatman. Ok, ouais. Mais non. Quand il fait, eh, on allait. Et après, il y a les couplets où il fait. Bah, si, c'est les Red Hot. Je connais vachement bien. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Donc, bref, tout ça pour dire, on met les Red Hot. Et du coup, on est dans le même lit. Et elle se colle un peu à moi en mode câlin. Donc, à un moment, je dis, bon, bah, elle va faire quelque chose. Et je n'ose pas moi faire quelque chose parce que je suis un nulos évidemment. Bah oui. Donc voilà, j'attends. Et on commence un peu à se caresser. Et vraiment, il est 5h30 du matin et je suis méga fatigué. Je suis vraiment genre, mais non, mais là on a trop, pardon, mais c'est, je suis vraiment alors, fatigué. Moi là dans ma tête, vous êtes restés collés l'un à l'autre pendant 4h et il s'est rien passé quoi. Mais mec, c'est un peu ça en fait. C'est, okay. C'est vraiment un peu ce qui s'est passé. C'était vraiment nul. Peut-être pas 4 heures, mais au moins 2 heures, quoi. Enfin, tu vois, vraiment, à parler. Je ris, mais j'aurais fait la même chose, exactement. Hein. Vraiment, tu sais, parce que tu sais pas, parce qu'elle était à la fac avec moi et il n'y avait pas vraiment d'ambiguïté. Donc, tu sais, c'est. Aujourd'hui, maintenant, tu te refais le film, c'est facile. Mais quand t'es jeune à l'époque et tout, t'as trop peur de te prendre un. Tu vois, bon, bref. Et moi, j'étais vraiment l'ami des meufs en plus. Donc, tu sais jamais vraiment si t'es vu comme potentiellement amant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, oui, bref, puisque je pense qu'il y a aussi ta propre confiance en toi qui devait jouer. Tu devais te dire, mais non, mais personne. Oui, et puis la vie, enfin, qui m'a quand même peu offert des. Oui, relations. Mais qui a, enfin, ouais. Qui a détérioré ta confiance en toi aussi. Exactement, voilà. Exactement. Bon, bref, et au final, quand ça a commencé à chauffer, on s'est vraiment endormi, mais elle aussi. Donc c'était un peu mignon au final parce qu'on s'est marré de on va pas le faire là parce qu'on est claqué. Bon, le lendemain déjà surtout t'avais la bite collée au caleçon à cause du liquide séminal, ça on peut le dire. Vraiment du velcro, j'ai fallu que je décolle ma teub comme du velcro. C'est une phase de 7 geckos ça. Ah ouais, je décolle ma... non pas du tout. Absolument pas. Je décolle ma teub comme du velcro, je sais pas, ça ferait. Qui sera aussi le titre de cet épisode évidemment. Ça c'est mon barlou. Vous êtes-vous déjà endormi pendant l'acte sexuel? Oui, mais bon, voilà. Oui, bon, mais j'étais seul, donc c'est encore plus triste. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Non, mais j'ai acheté un sextoy sur le web. Sur le web, donc bien ça compte. Moi, je pense que s'il vous plaît, ça compte. En plus, c'est vraiment le truc le plus nul qui peut me faire gagner des points. C'est vraiment genre, tu t'es bien branlé tout seul? T'es fou, mec. Ouais. Moi, j'avais acheté un sextoy à ma meuf il y a longtemps et. Le sextoy m'avait vraiment remplacé au sein du couple. Ouais. C'était terrible. La tuile. C'est Black Mirror, encore terrible. Une fois, hein. Désolé, mais. Non, mais ça devait remettre du piment. Non. Et ça a littéralement enlevé le plat. C'est ça, oui, c'est ça. Il n'y avait plus rien. Après, pour le coup, ils sont en couple depuis 8 ans ensemble. Donc, c'était pas non plus juste une histoire comme ça, quoi. Ils sont en union libre là. Avez-vous déjà travaillé dans une œuvre caritative? Oui, bah je sais pas, moi j'ai récolté des fonds pour la Fondation de France sur Twitch, donc est-ce que ça compte? Bah ouais, je pense un peu. Ouais. Et puis même, on a fait le Téléthon Gaming, on a fait des trucs. Ouais, moi j'ai fait la SPA donc. Oui. On en a fait. Avez-vous déjà triché pendant un examen? Bien sûr. Bien sûr. Sûrement, oui. J'avais caché Madame Bovary sous mon cul pendant tout l'examen. Donc vraiment, quand il y avait une question, je cherchais dans le bouquin la réponse, quoi. Ce qui est pas ouf comme technique parce que c'est un livre. En fait, oui, moi, bien sûr que j'ai grugé parce que je me souviens quand j'étais en maîtrise sciences et techniques audiovisuelles et multimédia, on était genre dans le petit institut où on faisait nos études, c'était tout petit. Et en gros, pendant un contrôle, quoi, en gros. En fait, il y avait des salles où il y avait des ordis à dispo parce qu'il n'y avait pas encore de smartphone à l'époque. Oh, bah ça à l'époque, hein. On se regardait dans les yeux, on se disait bonjour dans le métro à l'époque. Et du coup, j'ai dit je peux aller aux toilettes? Oui, je suis allé sur l'ordi, j'ai cherché genre sur Google les réponses, quoi. Ah oui, donc, carrément. Oui, ouais. C'est de la triche. Vrai, je pense qu'on peut dire que c'est de la triche. Oui, non, mais genre vraiment l'ordi était sur le chemin des chiottes, quoi. J'ai vraiment, je sais même pas si j'étais sorti avec l'idée de gruger, mais en fait j'allais aux chiottes, il y avait un ordi avec accès à internet. Je fais bon, il y avait vas-y. Un vieux à côté qui disait toutes les réponses sont là-dedans, vas-y, n'hésite pas, vas-y. Non, bah ouais, j'imagine que t'étais un peu obligé. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Évidemment. Oui, c'est la j'ai moitié regardé des épisodes. Wayne's World et du coup ils ont mis l'idée dans ma tête. Ah oui, c'est quand ils disent Bugs Bunny est déguisé en lapine, ouais. Ouais, c'est ça. Mais Jessica Rabbit, Roger Rabbit, la moitié des épisodes de Bloqué parlent de ça. Oui, c'est ça, mais Roger Rabbit, d'où il baise cette meuf, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, la dernière fois, on en parlait justement avec Le Caplin, et Le Caplin m'a rappelé à la mémoire l'Indienne dans Astérix et les Indiens. Est-ce que tu t'en souviens? Ah, pas du tout. Pas du tout. Et bah, l'Indienne, donc t'es amoureux Obélix, dans Astérix et les Indiens, il y a vraiment des regards affriolants. Et d'immense sein. Voilà, je te le dis. Attends, je te le dis. Fais voir. te branle pas pendant le podcast. Non. Ah oui, oula. Allez, ouais, ah oui, d'accord. Ils ont. Ils ont poussé une tenue, les pétards. Je pense avant. Qu'aucune indienne ne s'habillait comme ça. Mais attends, déjà, j'ai jamais. Elle entendu a un parler champ très près. Ouais, ah oui, bah si, c'était le dessin animé. C'est le dessin animé. Aucune amérindienne ne sait. Ah non, c'est quoi déjà? Natif américaine. Oui, en fait, si. Ne s'est jamais habillée comme ça, quoi. Si, en fait, Astérix et les Indiens, c'était le film adapté de La Grande Traversée. Enfin, tu sais, souvent, ils faisaient ça, le dessin animé, c'était genre trois albums qui mélangeaient et machin. Mais elle n'existait évidemment pas, c'est pas le style du Derzo, hein. Clairement, on est parti sur autre chose. Parce que les meufs dans Astérix, c'est que des petites meufs françaises avec des gros pifs. Là, d'un coup, t'as une jeune ado. Même, en fait, là, la tenue, on est clairement sur du male gaze. Oh, digne du jeu vidéo, quoi. Genre clairement aucune indienne native américaine ne s'est habillée comme ça, quoi. Oubaou, Oubaya, on se ressemble. C'était la chanson dans Astérix et les Indiens. Avez-vous un tatouage? Bah non. Eh non, mais j'y pense. Ah, t'y penses? Ouais, un petit discret. Oh, qui représenterait bien évidemment Crazy Frog. Alors non, ça ce serait en grand dans le dos. Dans le dos, avec écrit Zbem, Zbem. Zbem, Zbem. Écoute, Adrien, j'ai ton résultat. Mais moi je dois être ultra pur. Tu es immoral, apparemment. Ah bon? Ouais, mais sachant que ça va, hein. C'est en gros, il y a divin, c'est vraiment un truc religieux, il y a divin, saint, pur, normal. Et après, t'as immoral, impur, indécent, malsain, ignoble, vicieux, infâme, dépravé, dangereux, inhumain, démon, diabolique. Mais donc, y a quand... je suis quand même, avec ces réponses impur, de nullos, je suis quand même dans, le co- dans la catégorie foufou, quoi. Bah, apparemment, ouais. Je pense que t'as perdu des points sur, je sais pas. Je sais pas. Sans doute parce que j'ai dit, je me suis dégueulé dessus, et ils ont dit, oh là là, l'alcoolo. Il devait être bourré. Ouais. J'avais 6 ans. j'ai vomi un Capri Sun, quoi. Bon bah c'est la fin. Alors oui, non, les recommandations culturelles, pardon. Je suis con, j'avais alors, oublié. J'ai une recommandation, moi. Est-ce culturel? Oui. C'est pas vraiment culturel en vrai, mais c'est un truc que j'ai envie de recommander depuis un moment, et à chaque fois, bah, on fait pas de floodcast, ou alors j'y pense pas. Mais c'est une app. Je t'en ai parlé d'ailleurs, toi, qui s'appelle Orga, O-R-G-A. Alors elle est gratuite pour l'instant. À mon avis, à un moment donné, ils vont me dire bah, payez maintenant, mais pour l'instant c'est gratuit. Et en gros, le principe de cette app, c'est que elle scanne toutes les photos qu'on a sur le téléphone. Donc ça prend du temps selon le nombre de photos qu'on a ou pas. Et en gros, ça permet de faire des recherches dans ces photos. Alors il y a les recherches, bon, qui sont déjà faites par iOS de base, c'est-à-dire tu cherches chien et ça t'affiche toutes les photos de chien, donc ça c'est cool, mais en vrai on peut le faire déjà depuis la galerie d'iOS en gros. Mais là où c'est hyper, pour moi c'est vraiment l'utilisation principale que j'en fais, c'est qu'en gros ça scanne aussi, il y a une reconnaissance de texte, et ce qui fait que par exemple, imagine, tu t'es pris en photo devant une affiche du Puy du Fou. Exemple vraiment au hasard. Ouais. Et tu te dis ah putain, mais elle était c'était quand déjà cette photo devant l'affiche du Puy du Fou, etc. Et ben tu prends Orga, tu cherches Puy, P-U-Y, comme il a scanné toutes tes photos et il a fait une reconnaissance de texte, et ben il te sort toutes les photos où il y a le texte Puy, et du coup tu retrouves ta photo comme ça. Et donc c'est hyper pratique pour les screenshots où tu te dis putain c'était quoi ce screenshot ou de tweet où le mec avait dit ça machin, voilà. Et en gros je trouve ça hyper pratique pour retrouver des photos où il y a du texte, où retrouver des screenshots, des trucs comme ça. C'est vraiment pratique, je trouve que c'est un truc qui devrait être de base dans iOS, quoi. Et c'est extrêmement pratique comme ça. Accessoirement, il y a aussi une sorte d'algo pour chercher les nudes sur ton téléphone, mais là l'algo se perd un peu. C'est-à-dire qu'il me sort des photos de mon chien qui effectivement techniquement est nu, mais c'est pas vraiment ça, hein, voilà. Ou alors une photo que j'avais prise de ma bouche pour voir si j'avais une carie, et là il dit que c'est un nude. Bon, calmos. C'est une sorte, mais voilà. C'est une sorte de nude, voilà. Et on peut régler la tolérance de l'algo. Et donc ouf, très très vite, il te sort. Alors effectivement, dans le tas, il te sort des trucs effectivement où t'es à poil. Ouais. Je pense par exemple à la photo que tu avais mise en photo de contact pour moi que je t'avais envoyée. j'en avais parlé ou pas? Je me souviens plus. Non, on va laisser un peu de mystère, mais c'est pour dire, voilà, okay, il trouve ce genre de photo, tu vois. Voilà. Mais, bien sûr. Donc voilà, je trouve que c'est très pratique. Et sinon, bah, vas-y, dis-toi ton truc. Peut-être j'ai un truc plus culturel. Mais comme je fais 301 vues demain, je voudrais pas faire les mêmes recos, donc j'économise un peu. Bah en vrai, moi le problème c'est que j'avais le film de Albert Dupontel, Adieu les cons, que j'ai mais vraiment personne trouvé ne peut aller le voir. Mais personne ne peut aller le voir, donc c'est un peu triste, mais que j'ai vraiment trouvé formidable. Donc quand les salles rouvriront, n'hésitez pas à lui donner sa chance, même si de toute façon il a déjà fait pas mal d'entrées. Et sinon, alors on en a un petit peu parlé, mais vraiment je vous le reconseille, c'est le livre de Ludoc. Bah oui, on en a qui s'appelle parlé. Guide de survie du vidéaste, pardon. Et j'allais dire cinéaste, parce qu'en vrai de vrai, c'est aussi du cinéma, puisque un guide très complet où Ludoc vous donne plein d'astuces et plein de, comment dire, de croquis, de trucs très précis pour faire de la vidéo, en tout cas pour faire des sketchs Enfin, de la fiction, des courts-métrages. Ouais, de la fiction. Alors, juste pour rappeler, Ludox, c'était le directeur artistique du studio Bagel et qui a réalisé un grand nombre de sketchs pour Studio Bagel et qui a réalisé des sketchs aussi pour Cyprien, d'autres gens. Pour Natou. McFly et Carlito aussi, c'est pas lui qui a... Si, il avait fait des clips pour eux, ouais. Le clash, non, le rap de Quadragénaire, c'est lui. Voilà, donc il a réalisé plein de trucs. Et moi je trouve que, enfin depuis toujours, je trouve que c'est un mec qui est vachement, vachement généreux dans sa façon de partager sa façon de faire, son travail, son savoir-faire en fait. Parce que en fait, il faisait déjà des petites vidéos où il expliquait des bidouilles en gros pour. Oui, c'est le nom qui donne des bidouilles. Mais pour faire obtenir certains effets qui nécessitent de l'argent normalement en le faisant un peu. Je sais qu'il, tu vois, je me souviens d'un truc où il expliquait comment faire un dézoom, tu sais, où tu pars d'un plan et puis tu finis dans l'espace, tu vois, et il disait bah en fait, tu prends ton plan, tu dézooms, tu prends Google Maps, tu fais des screenshots et machin, etc., tu les assembles sous After Effects, etc. Ouais. Et il a toujours été, à l'époque, il faisait ses vidéos, juste pour le plaisir de partager, quoi. Et je trouve que c'est quelqu'un, qui a toujours eu à cœur de partager, de motiver les gens, et je trouve ça trop cool. C'est un peu la consécration de tout ça, son bouquin, quoi. En fait, il a non seulement cette envie qui est super, et c'est un bon professeur. C'est-à-dire un bon professeur, et le bouquin est vraiment. Enfin, en fait, il a vraiment le goût. Tu voyais qu'il avait vraiment envie de faire un truc. Enfin, c'est vraiment bossé de ouf, quoi. Le bouquin, il est très beau. Il est très complet. Il est allé faire des. Enfin, il est allé faire des. Tourner des plans, enfin, faire des. Cadrer des trucs exprès pour illustrer, machin, etc. C'est vraiment. Il a vraiment beaucoup bossé et vraiment. C'est un gros pavé, hein. Il y a vraiment beaucoup de pages, mais c'est extrêmement ludique. Ouais. Et je sais que tous les gens de. Ludoc, pardon. J'ai dit ludique. Ouais, Grégoire Ludic. Oui, non, c'est vraiment super parce que, et je l'ai dit sur Insta et tout le monde l'a dit sur Insta, mais en même temps, je trouve que c'est la meilleure façon de vous le vendre parce que c'est vrai. C'est vraiment le livre que nous, les réalisateurs ont commencé sur Internet, on aurait aimé avoir ce bouquin parce qu'il théorise tous les trucs que nous, on a appris après sur le tas, quoi. Donc, mais grave, mais moi, je suis très content de l'avoir aujourd'hui. Et je vais apprendre parce que moi j'ai des lacunes énormes et je vais vraiment apprendre des trucs, c'est sûr quoi. Donc je suis trop content de l'avoir. Des trucs sur la lumière, sur les objectifs, tout ça. Et, tout, et ouais, aussi, et il donne un truc aussi que j'ai rarement vu dans des bouquins parce que moi pour le coup je lis pas mal de livres qui donnent des conseils mais qui sont toujours très. Ils prennent pas vraiment par la main quoi, tu vois. Et là, ça prend vraiment par la main. Et ce qui veut pas dire non plus que c'est des trucs basiques qu'il vous apprend. Il vous apprend vraiment des trucs précis. Et à côté de ça, il donne des logiciels, il donne des noms d'applications, de trucs. Enfin, j'ai envie de dire à chaque fois qu'on me demandera un conseil, je dirais bah écoutez, il y a quelqu'un qui vous le conseillera le mieux du monde, que ce soit la façon de faire ou avec quoi le faire. Et c'est ce livre de Ludoc, guide de survie du vidéaste. C'est vraiment des conseils très pratiques. Et en vrai, c'est vraiment, je trouve que en fait, souvent, tu vois, c'est des conseils un peu théoriques, un peu machin. Et en fait, le truc, c'est, je trouve ça plus important de donner des conseils très concrets, en fait, de voilà comment on faut faire. Et après, tout ce qui est plus théorique, plus sur les démarches, plus des trucs qui sont perso, en fait, je trouve que l'erreur souvent de ces bouquins-là, c'est que c'est genre, oui, là, tu donnes des conseils, mais qui sont très propres à ta façon de faire, à toi, quoi. Oui, complètement. Et là, je trouve qu'il y a un côté, voilà. La base du truc, après vous trouverez votre façon de faire à vous quoi, mais là c'est des trucs très très concrets et c'est vraiment c'est cool quoi. Bon, je vous fais des bisous Adrien et puis à bisous tout le monde et à bientôt, ciao, bye. Il s'agissait du Flow de Cast.